pour dire sous, dessous et en dessous de en chinois, vous utiliserez 下, 下, doigt noir pointé vers le sol, 下, pour dire sous. Comment dites-vous maintenant en chinois ? 现, 在. Alors ma collègue va nous dire maintenant en chinois. 现, 在. Donc de nouveau, comment dit-on maintenant ? 现, 在. Comment dit-on sous ? 下, 下. Dès qu'on vient la voir, ma nièce, mademoiselle Xia, se cache sous la table, car elle est très timide. Donc, nous avons exactement la même structure. De même que sur se place après l'objet sur lequel il est, c'est sur la table, à table sur, c'est dans la maison à l'intérieur. Nous avons ici sous, à table sous, c'est sous la table. Donc, comment dites-vous ? Il est sous la table. 他架. Comment dites-vous se trouve sous la table? 在桌子下. Oh, pardon. 下. Oui, il faut dire 下. 下. Il est sous la table. 他在桌子下. Il est sous la table. 他在桌子下. Que dis-tu ? Tu dis quoi ? 你说. Tu dis quoi ? Donc nous aurons ce 什么. C'est un moyen pratique de présenter les choses parce que nous avons le quoi à l'endroit où se placera la réponse. Je l'appelle la structure du remplacement. Et on l'emploie souvent en chinois. Je l'aime beaucoup parce qu'elle rend les choses très faciles. C'est un moyen tellement pratique de présenter les choses. Donc au lieu de dire « que dis-tu ?» puis de répondre « je dis ceci et cela » comme en français, le chinois va demander « tu dis quoi ?» Et la réponse sera « je dis » suivi de ce dont il est question. Alors s'il vous plaît, dites-moi « que dis-tu ?» Alors « tu dis quoi ?» 你说什么? Que dis-tu? 你说什么? Je dis que ce livre est sous la table. Et vous traduirez simplement « Je dis ce livre se trouvait à table sous. » 我说这个书在桌子下. Je dis que ce livre est sous la table. 我说这个书在桌子下. Imaginez que nous sommes dans une pièce et que je veux vous montrer un livre. Je montre le livre du doigt et je vous demande « Peux-tu voir le livre ? Il est sous la table là-bas. Peux-tu voir ce livre-là ? » Donc, tu... Pouvoir voir livre. La question exacte est « Tu peux voir ce livre-là ?»« Ni neng kan jian na ge shu ma ?»« Peux-tu voir ce livre-là ?»« Ni neng kan jian na ge shu ma ?» Il est sous la table. 他在架子下. Comment dites-vous table? 桌. 桌. 桌. 桌子. 桌子. 桌子. Et comment dites-vous sous? 下. C'est un doigt noir pointé vers le sol. Xia. Xia. C'est mieux. Xia. Et maintenant, comment dites-vous? Il est sous la table. Ta. Zai. Zhuo. Zhuo. 下啊。 Il faut bien insister sur le ton descendant. 下. 下. Il est sous la table. 他在桌子下。 Mais je vois ce livre. 可是我看见这个书。 Mais je vois ce livre. 可是我看见这个书。 Il est sur la table. 他在桌子。 Rappelez-vous de la ville qui se trouve dans la baie au-dessus de la mer. Ah, au-dessus de la mer, ah oui. Shanghai. Donc, il est sur la table. 他在桌子上。 Il est sur la table. 他在桌子上。 As-tu la télévision chez toi ou dans ta maison? C'est à l'intérieur de ta maison. Oui, effectivement, ici on va ajouter « à l'intérieur ». Et on sentait la fleur de tiare. Oui, exactement. Rappelez-vous de ma petite histoire. Dans la maison de mes amis de Tahiti, flottait un parfum de fleur de tiare. Dans ta maison, tu as télévision, plus le mot interrogatif. C'est ça. D'accord. Ni de... Non. Zai ni de... Tia... Li... Ni... Yo... Dian shi ma? As-tu la télévision chez toi? Zai ni de... Jia li... Ni yo dian shi ma? Et comment dites-vous? J'en ai une, ou bien oui. Yo. Attention, on dit yo.